Le feu s'est calmé, mais je suis encore là. J'ai quitté le live, pas la mission. Je roule encore, même hors connexion. Ma gratte tape, mes mots rebondissent. Et je sens vos cœurs, même quand tout s'efface. Y'a plus de bruit, mais pas de vie. Je vois vos pseudos quand la nuit décide de me laisser seul dans mes accords. Mais je gratte toujours plus fort. We're still riding together through the fade. Not for likes, not for fame, we stay. Hearts don't lag when the lights go black. We kept the line, no looking back. C'était pas un show, c'était réel. Quand je lisais vos noms, j'avais l'essentiel. Je parlais vrai, je trempirais brut. Et vous étiez là, fidèle, même quand je suis dans le doute. Rider Scale, c'est pas une pause. C'est des nuits longues sans pause. Mais je garde la vibe, et comme une flamme. Et chaque refrain ramène à l'âme. We're still riding together, side by side. Through each dream, each quiet night. You stay when the echo was all. T'es pas juste un viewer. You're the reason I play. We still ride.